بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: إنني مريضة، أي سي une femme qui a posé cette question، بالسكر والقرحة، فإذا لم أستطع الصوم فماذا يجب علي أن أفعل؟ Cette femme a posé cette question à Cheikh Ibn Baz رحمه الله. أنها elle était malade, elle avait le diabète et elle ne pouvait pas faire الصيام. هذا c'est معروف. Beaucoup de diabétiques, ils n'arrivent pas. S'ils ne mangent pas du matin au soir, ça leur fait beaucoup de mal. Donc elle a demandé à Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, qu'est-ce qu'elle doit faire. قال الشيخ رحمه الله عليك بمراجعة الطبيب المختص فإن قرر الطبيب المختص أن الصوم يضرك فأفطري فإذا عافاك الله فأقضي بعد ذلك. Première chose, نصحها رحمه الله بمراجعة الطبيب المختص، أي qu'elle consulte un spécialiste. Et ça c'est مهم. C'est pas le premier qui dit أن cette maladie on doit pas faire صيام, on le suit. للأسف on vit à une époque certains ils vont même plus voir les docteurs, c'est entre eux. Un tel il lui a dit c'est bon, moi je serai toi, je ne jeûne pas et je ne pas. Là, si c'est une maladie et surtout les maladies elles sont de plusieurs catégories. Il y a des maladies elles font rien du tout. Ou plutôt, elles n'ont aucun lien avec le jeûne. Maintenant, واحد, il a mal au genou, il a mal au bras, il a arrêté certaines maladies. Il peut jeûner, il jeûne, c'est une obligation pour lui. Il y a des maladies, c'est clair. L'insane, il ne peut pas jeûner. Il est allongé dans un lit d'hôpital, il est suivi du matin au soir, une maladie très grave, il ne jeûne pas, c'est clair. Il y a des autres maladies, comme certains cas de diabète, comme certains cas de cholestérol, comme certains ils ont de la tension, etc. Là, il faut voir un spécialiste. لأنه سيدو 50-50 اسكي بو جوني أم لا. فلهذا قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن هذه المرأة دوا كونسولتي ان سبيسياليست. سا نو مونتر كذلك أن سي با نيمبورت كيل ميدسان. سيغتان ميدسان سي با لور دومين ربما يتساهلون. يديز نعم تو نو دوا با جوني. أو سيغتان سا بو ات لانفيرس يبوب دير تو دوا جوني سا في دو مال. على كل حال أولا كونسولتي ان سبيسياليست. فإن قرر الطبيب المختص أن الصوم يضرك سي سو سبيسياليست. Bien sûr, de confiance. Amma, Rupama, si c'est un ennemi de l'islam, il déteste l'islam, il peut dire une chose que pour faire du mal à ce musulman ou à cette musulmane. Et ça, c'est un autre sujet. Lakin, huna, si on prend son qawl, fa aftiri, donc elle ne jeûne pas. Si ce médecin, il lui montre que le jeûne, ça peut lui faire du mal, donc ce musulman ou cette musulmane, il ne jeûne pas. قال فإذا عافاك الله فأقضي بعد ذلك أو فقضي بعد ذلك. Cette maladie, si elle est temporaire, une certaine durée, donc ce musulman il ne fait pas صيام مثلا cette année, ce mois, ثم quand il est guéri, il rattrape. Ça c'est le premier cas. وإن قرر الأطباء المختصون أن هذا المرض يضره الصوم دائما وإنه فيما يعلمون أن المرض سوف يستمر ولا يرجى برؤه. Deuxième cas, si les docteurs ils montrent que cette maladie c'est une maladie qui peut durer et Allah subhanahu wa ta'ala il fait ce qu'il veut, الشفاء c'est بيدالله عز وجل, لكن certaines maladies les médecins ils n'arrivent pas à la soigner ou ça peut durer beaucoup de temps, l'insan la yadri, est-ce qu'un jour il pourra faire, à la kulli hal, si c'est cette maladie أنهم يزسبر باك أن جور يسوى غيري فماذا عليه كيسك يل دوا فير. قال فإنك تفطرين وتطعمين عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونصف تقريبا والحمد لله. نعم, دونك سيت فام كي مالاد مثلا ديابيت اسي غراف اي لي ميديسان يو مونتري كو نورمالمون سا دورا توجور. Fa dans cette elle ne jeûne pas et elle nourrit pour chaque jour un pauvre. Et vu qu'il y a 30 jours de siyam, elle nourrit 30 pauvres. An kulli yawm miskinan nisf sa', la moitié d'un sa', min qout al balad. Et Cheikh Ibn Baz il a cité le miqdar à peu près, c'est 1 kg et demi. Qout al balad, et la nourriture qui est propagée dans le bilad. Ça peut être des pâtes, ça peut être du riz, ça peut être autre, de la farine, etc. Al muhim à peu près 1 kg et demi, walillahil hamd. Donc chaque jour 1 kg et demi pour un pauvre. Donc elle nourrit 30 pauvres. Elle peut nourrir le même pauvre bien sûr. C'est pas une condition à chaque fois de changer le pauvre. Al muhim que ce soit cette quantité 30 pour 30 pauvres. Donc ça fera à peu près 40 kilos, un peu plus, un peu moins. قال وليس عليك صيام. Et dans ce cas, elle n'a pas à jeûner. لقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a facilité. Donc on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala selon nos capacités. Et la capacité de cette femme, c'est de nourrir. Si elle ne peut pas nourrir des pauvres, on va lâcher alayha. Si elle ne peut pas nourrir des pauvres, elle ne nourrit pas de pauvres, elle ne jeûne pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est ghafour, il est rahim. Les savants, ils ont divergé. Est-ce que هذه الفدية, elle est obligatoire, amla? Est-ce que c'est obligé de nourrir des pauvres, amla? Ala kulli hal, même si on prend l'avis que c'est recommandé, on doit faire des efforts pour ne pas délaisser. C'est du khayr. C'est du khayr et c'est une forme de reconnaissance envers Allah Azza wa Jal. Kadhalik, c'est de l'entraide envers les pauvres. Et avant tout cela, bien sûr, c'est une adoration lillah subhanahu naktafi bihada. La référence, Majmou' al-Fatawa de Cheikh Ibn Baz rahimahullah, volume numéro 15. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.